Avez-vous faim pour des choux? C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 19 au 25 octobre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Virginie Cossette. Hey, bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Bonjour. Quelques nouvelles entrées cette semaine dans les Palmarès C'est fou. On accueille tout le monde. Premièrement, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonne matinée, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne année. Bon Noël. Joyeux Noël et bonne action de grâce. Quelques nouvelles entrées sur nos palmarès cette semaine, tout le monde. Du côté francophone, on retrouve entre autres Colette avec Soap Opera, Téléphérique avec À distance et Les soins parts de l'été avec Sous le bord de la rivière. Du côté anglophone, c'est là que les choses se passent. On a un gros ménage de l'automne. Un gros. Quatre nouvelles entrées. On a The Paperbacks avec Hesitation Mark, Better Friend Than Lovers, Teether, The Setting Sun, Running Demons, The Most Serene Republic avec Compliance et Winter Sleep de, avec Archaeologist. Merci Mathieu. C'est beau à entendre. C'est très beau à entendre. Mais on commence par nos 15e positions. Voici tout de suite du côté francophone. C'est nos amis des Soins par de l'Est avec Sud bord de la rivière au palmarès. C'est fou. Wouhou! En cette belle soirée, je tiens à vous dédier un beau grand moment d'une rare intensité. C'est sur le bord de la rivière, en plein mois de janvier. Assis sur le bord de la rivière, en train de prendre ma grosse bière. Une idée folle en plein hiver. Il faisait pas chaud, mais je pouvais relaxer. Puis ce qui était belle fun, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Que ces policiers m'empêchent. J'aurais perdu pied à un moment donné sur une plaque de glace très bien dissimulée. c'est un maudit que le problème c'était que j'étais en pleine, pleine commotion. Archaeologists de leur album Welcome to the Night Sky en 15e position anglophone des palmarès. C'est fou! Une très bonne nouvelle entrée, selon moi, qui va durer longtemps. Découverte, oui, ça s'en va vers le sommet, ça. Ouais, et après ça, on pourra faire la blague que c'est comme des archéologistes qui creusent vers le bas quand ils vont se mettre à descendre. C'est super drôle, ça! Oh, mais c'est méchant! Ouais, je sais, mais c'est une blague, ça. Ah, OK. C'est rien de personnel. C'est on parce qu'on est fin. Qu'on essaie d'être drôle. T'sais. Qu'on essaye qu'ils redescendent pas trop. Non, pas en dessous du top 15 parce que là, les on a beau creuser, mais ils seront plus à la feuille, fait qu'on les verra plus. On les entendra plus. Justement, c'était la 15e position francophone. Laissons en part de l'Est avec Sur le bord de la rivière. Absolument, on est rendu déjà à nos 14e positions. Déjà comme si ça faisait comme 3 heures qu'on faisait l'émission. Ça fait comme 15 minutes, c'est ça. plus tard dans l'émission, on va entendre un paquet de bons groupes. Vous savez, on a 15 positions anglophones, 15 positions francophones. On va aussi tantôt faire le tour des autres palmarès. On va entendre, entre autres, quelques petits bouts de noms là, des top 10 électroniques, des top 10 loud, top 3 10 canadiens, puis quoi d'autre aussi? Un top 30 albums. Arrête-moi ça. Non. Je te crois plus. C'est vrai que je m'en vais. Voici la 14e position anglophone de Most Serene Republic avec Compliance, précédée de la 14e francophone. Téléphérique avec À distance. Le coureur de la semaine dernière à la chance au coureur. Oh. Que des hits au palmarès, c'est fou! Je vais pas finir. Tout de suite, voici la 14e position anglophone, The Most Serene Republic. Avec Compliance. Oh, palmarès, c'est fou! FM. Au 89.1. FM. La Radio Campus. FM. FM. FM. De Trois-Rivières. FM. FM. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles, FM. FM. FM. Ah! Ah! Ah! Conscious, pense que oui. Je pense que c'est tout. Ils me surprennent. On les aime. C'est The Most Serene Republic avec Compliance en nouvelle entrée en 14e position anglophone. Leur album s'appelle Population. On popule de nouvelles entrées cette semaine dans les palmarès, c'est fou. Oui, vous avez remarqué qu'on a au-dessus de 8, pas au-dessus de 8 nouvelles entrées cette semaine. On écoute des bonnes pièces, là, on aime ça, on se divertit parce qu'on a des affaires, le fun à écouter, là, parce que, gamin, ça fait des semaines et des semaines que les mêmes pièces roulent, là. Hein, la semaine passée, il y avait 2 nouvelles entrées, genre. Mais habituellement, on dit faire le ménage de printemps, mais ça, c'est comme un ménage d'automne? Ouais, c'est ça. C'est comme passer le râteau, t'sais. Ramasser les feuilles. Oui, c'est ça. Mais les bonnes feuilles, parce que les pièces qui sont parties, on leur dit au revoir, sont très, très fines. On les met dans le sac, puis... On les met dans le sac orange ou transparent, dépendant. Noir. Vert, des fois aussi. Vert? Ouais. Bah, c'est... Dépend de la marque. C'est ça. C'est le fun, des sacs oranges pour les feuilles. Ouais, transparent, parce que tu vois les feuilles. Changement de sujet, ça pour dire que justement, c'était téléphérique avec À distance, la nouvelle entrée en 14e position francophone. Leur album s'appelle comment? Le fil conducteur. Absolument. On est rendu aux 13e position du côté anglophone. C'est The Setting Sun. Ça fait très psychédélique années 70. L'album s'appelle The Setting Sun aussi. Et la pièce, c'est Running Demons. Mais juste avant, ça va entendre le côté francophone. Colette, avec Soap Opera. Deuxième entrée de leur part, Colette, qui nous avait donné, fourni, là, une pièce précédemment, là, de leur album. Et puis, c'était dans le palmarès. Pour full marché. Tu sais? Fait qu'on s'essaye une deuxième fois. On s'essaye une deuxième fois. C'est ça qu'elle a dit. Mais tu te souviens, il y avait une émission Soap Opera. Oui, Soap Opera. C'était très bon, ça, avec les fruits et les légumes. Puis, Moi, j'aimais pas très ça, mais la petite tourne du début. Non, j'aimais Soap Opera. Ça me rappelle des beaux souvenirs. On va penser à ça en écoutant Colette avec Soap Opera. Au palmarès, c'est fou, ça? FM, à Trois-Rivières. 89.1, FM, 3. Tu mets tout ça dans le désordre. Je mets tout ça dans le désordre. J'aime ça, le désordre. C'est comme une soupe. Opéra. Oh! Ah, ridicule. Ridicule. Hey Virginie! Oui Mathieu! C'est bon là, mais ça là, c'était une toune cachée. C'est quoi ça? La voici, sauf au père. Je sais même pas si les gens m'entendent quand je parle aussi pas fort que ça. C'était une toune cachée qu'on a fait jouer! Fait qu'on connaît la toune cachée maintenant, puis on sait qu'il y a une toune cachée. Ben oui! Voici sauf au père de Colette au palmarès! C'est fou! The Setting Sun avec Running Demons au palmarès, c'est fou. C'est la position numéro 13, nouvelle entrée du côté anglophone. Juste avant, c'est la 13e francophone. 13e francophone, on a écouté Colette avec Soap Opera. Soap Opera. Wow, c'est pas très beau ça. Ok. Moi non plus, c'était pas très beau. Je pense pas qu'on ait vraiment des talents en chanson, nous deux. Hein. C'est... Non, c'est pour ça qu'on reste en arrière du micro à animer c'est la ça. Chanson. Ça, on sera pas les prochains Tricot Machine ou Geneviève et Mathieu. Non. Qu'on entendra plus tard! Oh! C'est juste pour dire qu'on va entendre jamais Mathieu plus tard. Maintenant, on va faire plan de match, OK? Explique. D'accord. Nous voici avec un beau petit plan de match comme ça, là. Du côté francophone, on va sauter par-dessus nos 12e et 11e. La 12e, c'est Navet Confit avec Aspirine qui descend de deux places. C'est la 11e. La Baroque Machine avec Pas de tes affaires qui reste stable en 11e. À la place, qu'on va aller faire, c'est entendre nos 11e et 12e positions anglophones. On commence par la 12e position. C'est Better Friends Than Lovers avec la pièce Teeter. Tout de suite au Palmarès, c'est fou au 89.1. FM. Oh, oh. Je l'ai pas mélangé, t'as vu? On dirait Popeye. Oui. Genre, au ColecoVision. Tu te rappelles pas, hein? Non. Black the Nerd. Je me rappelle pas plus. Quand même. Vous écoutez les paroles assez fous au 89.1. FM. C'est vrai. Hesitate Paperbacks avec Hesitation Mark de leur album An Illusion Against Death. C'est la nouvelle entrée en 11e position anglophone. Une nouvelle très bonne entrée encore une fois. Je suis très heureuse de son entrée dans le palmarès. Moi aussi. C'est beau. Et justement, c'est la 12e position anglophone. Better Friends Than Lovers avec Peter. Ouais, toutes les nouvelles entrées, c'est fini, ça, il n'y en a plus. C'est fini. On a vidé, vidons-la-don les nouvelles entrées, genre, on pourrait dire. On pourrait dire ça comme ça. Quasiment. Donc, on saute par-dessus nos 10e et 9e des deux côtés. Du côté anglophone, on saute par-dessus Invisible Man avec Life on Earth qui remonte de 5 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et en 9e, c'est Yeah Yeah Yeahs avec Rockers to Swallow qui descend de la 3e, donc chute de 6 places. Oui. On saute encore par-dessus la 10e position, la 11e. 10e francophone. 10e francophone, le Husky avec David Bowie. Et la 9e, Olinéa avec les hostilités. Mmh. David Bowie qui est à nouvelle entrée la semaine dernière aussi. Ça va sûrement monter plus haut, donc on aura la chance les semaines prochaines de l'entendre. Absolument. Mais avant de continuer avec nos 8e positions des deux côtés, allons voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Vous savez que les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 15 franco et un top 15 anglo. Non. C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des disques canadiens et quoi déjà? Un top 30 des albums. C'est vrai. On commence par le top 10 électronique. Voici, on va se séparer, je crois, les nouvelles entrées parce qu'il y en a 5. Donc, 10e position, on retrouve Robert Ashley avec l'album Now Eleanor's Idea. En 9e, c'est Animal Tech avec Innocent Robot. En 4e, Bittersweet avec The Remix Game. La 3e, Snug, The Last Day of Rome. Et la 2e, c'est... Une compilation d'artistes variés qui s'appelle Cinematic Classic Film Music Remix. Et le numéro 1 est stable pour la 4e semaine de présence, c'est Mind in a Box avec... Crossroads. Oui! Du côté du top 10, Loud, la nouvelle entrée, c'est une seule nouvelle entrée, Monster Magnet avec Four Way Diablo. La 3e position est occupée par Talamis avec In These Days of Violence qui remonte de 2 places. Nous avons en 2e position Iced Earth avec Framing Armageddon. Et en première... Nightwish! Avec Dark Patient Play. Absolument, on fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums plus tard. Mais avant, retournons à nos palmarès tout à fait standard. Du côté anglophone, la 8e position est occupée par Figurines avec Childhood Verse qui descend d'une place mais avant, El Motor avec Alinéa. El Motor! Au palmarès, c'est fou! 89.1 FM. Oui! Dans vos oreilles. On dira pas Trois-Rivières. Trois-Rivières. On s'est essayé la semaine passée. Vous dire n'importe quoi. Que dire ce que vous savez déjà. Autant se faire vider la tête. Par une épidémie de verre. I'm toute l'Amérique latine, plus de 200 millions de femmes n'ont jamais connu l'orgasme. La Fédération pour une éducation sexuelle socialement équitable, aussi appelée la FEC, lutte chaque jour pour que les femmes de l'Amérique latine aient accès au plaisir sexuel. Depuis que l'émission Bidon la don la question s'est associée à la FEC, vous pouvez faire une différence. Chaque fois que t'écoutes C'est fou, le vendredi à 9h ou à 19h50, sous son versé à la FEC. Encourage la FEC en Amérique latine. C'est pour que le monde écoute les Bidon la don la question, la FEC la fait jouir plein de femmes en Amérique latine, c'est malade. Bidon la don la question sur les ondes de C'est fou le vendredi matin à 9h et en rediffusion à 19h. Greens avec Childhood Verse en 8e position anglophone. Leur album, c'est When the Deer Were Blue. Et c'est super bon. Justement, c'était du côté francophone. Du côté francophone, on a eu El Motor avec Alinea. Ouais, malheureusement, seulement un single. On espère avoir un CD qui s'en vient bientôt, là, parce que c'est bon, El Motor. Remonter d'une place. On est rendu à nos 7e position, mais avant de faire ça, Virginie, autre qu'avoir du plaisir, là, écouter de la bonne musique, avoir des conversations de fond sur des sujets d'actualité, comme on fait tout le temps, comme là. Hein? Les palmarès, c'est fou, c'est plus qu'un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Évidemment. On le répète, mais c'est vrai pareil. Ça reste vrai d'une intervention à l'autre. Hein? Tantôt, on a fait le top 10 électronique et le top 10 loud. Maintenant, voici le top 3 des disques canadiens, Virginie. Mm-hmm. J'y vais, je me lance. Aucune nouvelle entrée, mais seulement un top 3. Seulement un top 3. En troisième position, on a The Details avec l'album Draw Distance, Draw Border. En deuxième, Hot Springs avec Volcano. Et en première, notre roi de la montagne. Steve Hill. Avec Devil at My Heels. Le roi de la montagne, c'est vrai, c'est drôle. Côté du top 30 des albums, on a quelques petites nouvelles entrées qui nous attendent patiemment, ben, comme ça, au fond du baril. Quelques petites nouvelles, il y en a quand même une couple. Je vais faire les premières. Ben, donc, du côté de la 30e position, c'est Kevin Drew avec Spirit If. En 9e, c'est Japanther avec Scuffed Up My Huffy. Pourquoi pas? En 28e, Scuffed Up My Huffy. Okay. En 28e, c'est The Acorn avec Glory Oak Mountain. C'est pas Acorn, c'est bien The Acorn. Il doit avoir probablement une très grande différence, je l'écoute. Un parle de maïs tout le temps, c'est Acorn. Okay. 27e position, c'est Baby Woodrose avec Chasing Rainbows. Je vais te laisser faire le reste, je vais entrer. Parfait. En 15e, on a Winter Sleep avec Welcome to the Night Sky. En 14e, The Most Serene Republic avec Population. En 13e, The Setting Sun avec l'album éponyme de Setting Sun. En 12e, Better Friends Than Lovers avec Great Loves. Et en 11e, The Paperbacks avec An Illusion Against Death. Le top 3 des top 30 des albums, le top 30 à son propre top 3, on pourrait dire. Donc, la troisième position remontée de 2 places pour Steve Hill avec Devil at My Heels. En 2e, c'est l'ancien numéro 1 qui descend d'une place Interpol avec Our Love to Admire. Et en première, on est heureux, Galactic avec From the Corner to the Block. Yes! Alors, j'ai très hâte d'entendre Galactic un petit peu plus tard dans notre émission ce soir. En fait, beaucoup plus tard, si on regarde un petit peu la feuille, beaucoup plus tard. Dans le sens que ça a monté. Secret. Secret de polychinelle. Ça? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on dit. Hein? Ouais. Tu vois, je sais que c'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça. Tout de suite, voici, en fait, du côté anglophone, on est rendu à Stars avec Bitches in Tokyo, mais tout de suite, à l'instant même, là, maintenant, ouais. Geneviève et Mathieu, ne pleure pas. OK. C'est dit. Moi, je suis des instructions. Oh, c'est gentil. Au palmarès, c'est tout. Oh, ben oui, je suis tout. Je me dirais tu es vraiment pendant que tu joues de mes sentiments. Je ne sais pas pourquoi je souris tout à coup, je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne m'en souviens pas. Ne pleure pas, le temps et le vent reviendra secouer mes mains si d'hier. Ne pleure pas, amour et forêt, sous les vents, mélodie, ta mélodie. Je sais, je n'en veux pas de ce sentiment-là. Je sais, je ne ris pas souvent, je vois des pipeaux blancs. Mélodie légendaire, j'aurais tant aimé qu'elle existe. Toujours en dehors de moi, c'est quand je la touche qu'elle apparaît, la mélodie de l'air. since I failed you. But I'm still in your blood. You're still in my blood. Stars avec Bitches in Tokyo, 7e position anglophone, remontée d'une place, c'est toujours aussi bon. Stars, toujours, toujours aussi bon. Leur album, c'est In Our Bedroom After the War. Vous écoutez Les Palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui, l'émission du condensé de succès de C'est fou. Et avec moi, Mathieu Plante, bonjour. J'accueille maintenant, à l'instant même, Cynthia Paquette-Grenier. Hola! Hola! Et Virginie Cossette est toujours là. Bonjour! Donc, pas de remplacement, là, rien. C'est vraiment juste le monde sont là des fois, puis des fois sont pas là. On fait un genre de... Mais en fait, c'est comme une surprise, tu comprends? Ah, c'est comme un Kinder! C'est ça, dans le fond, moi, je vous dis pas quand je viens, puis quand je suis là, boum! Je suis là. Mais avec l'attente, vient le plaisir, le bonheur, tu sais. Et voilà! C'est comme, non, mais on compare ça. Mettons, tu sais, quand tu manges pas pendant une longue période de temps, ben ton repas est meilleur, tu sais. C'est ça, mais dans le fond, on va te manger, ça, qu'on veut dire. Ouais! C'est ça qu'elle a dit. Okay. Mais, dans le fond, la base, c'est juste que vous êtes content de me voir. Oui! Ben ça, je pensais que c'était évident dans ma... Mais si, c'est je pensais que c'était pas à confirmer. Bon, allez-y, continuez, là, je vais... je vais pas m'enfiler la tête du tout. Alors, on est rendu où, là, Mathieu? Ben, je vais te renseigner un petit peu. On vient d'entendre, bon, premièrement, c'était Stars, mais juste avant Stars, c'était Geneviève et Mathieu, n'est-ce pas, Virginie? En effet, c'était Geneviève et Mathieu avec Ne pleure pas. Ne pleure pas. On passe de Geneviève et Mathieu à Virginie, Cynthia et Mathieu. Et voilà. Mathieu reste, c'est la constante. Oui, c'est ça, c'est la variante qui est toujours là. C'est ça. Cosinus, qu'on appelle. Aussi. Cosinus. On est rendu donc, voilà, à nos 6e position. Du côté anglophone, c'est The Answer avec Into the Gutter. Et parlant de The Answer, tantôt, 2 CD de The Answer à vous donner. Ouh! Donc, wow. Restez là pour ça. Bien sûr. Pendant qu'on s'en va entendre le côté francophone. Oui, on va l'entendre Major Bidet avec Les Mouches en hausse de 2 places cette semaine. Tout de suite au Palmarès, c'est fou, 89.1. FM. Et oui! Tu t'enfuis, que je deviens. Les saisons passent, le monde se tasse. Le peu qui excite t'attire l'image. De vieux pains gonflés, tu es une tranche de vie. Le petit que tu gardes en main et que tu sens pas. Que tu gardes en main et que tu sens pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent. Major Bidet avec les Mouches en sixième position du côté francophone. Ça vient de leur album qui s'appelle La Vie qui fit avec la tapisserie. Avant d'aller entendre The Answer avec la sixième position anglophone ici au Palmarès C'est Fou, on a une petite surprise. On aime ça les surprises, comme Cynthia. Oui, bien sûr. Pareil. Sauf qu'il s'appelle Mathieu. Il fait partie de la formation Les Dorothées. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Très heureux de vous avoir avec nous. Donc, Mathieu, des Dorothées, premièrement, qui es-tu dans le groupe? Que fais-tu? Moi, je suis chanteur. Chanteur. Qui sont les autres membres, tiens? Il y a Vincent et Sébastien, les deux sont à la guitare. Jean-Philippe à la basse, Natacha à la batterie et Simon qui est un autre chanteur avec moi. On est deux chanteurs. Quel genre de musique est-ce que les Dorothées font? Du punk rock, je dirais. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres groupes de punk rock? Là? Les groupes de punk rock, il y en a beaucoup. Les Dorothées, on vous aime, c'est certain, mais on veut savoir ce que vous faites de différent. Ben nous, on est le fun. Ah, vous êtes le fun. Les autres sont plats. On est le fun, c'est ça la différence. On essaie de pas trop aliéner les gens avec nos opinions, puis tu sais, pour viennent nous voir passer un bon moment. OK, ben j'aime ça, c'est une très bonne réponse, ça. Vraiment, les groupes patinent des fois avec cette question-là. Qu'est-ce qui vous rend différent? Autre que ça, là, une question peut-être que vous êtes fait demander à la tonne, mais c'est quand même, ça vaut la peine d'être demandé parce que les gens vous connaissent sous le nom de Dorothée Toute Salope. C'est fou, on vous a tourné pendant des mois et des mois et des années sur nos palmarès. Pourquoi le changement? Quelle est la raison? Quand on s'appelait Dorothée Toute Salope, on avait vraiment beaucoup de misère à avoir des subventions. Il y avait même des places qui ne voulaient pas qu'on aille faire de spectacle là-bas. Je vais nommer le Challenge Volleyball de Repentigny pour ne pas le nommer. Ouais. Et à un moment donné, fait que j'ai décidé de changer notre nom pour les Dorothées. Ouais, donc dans le fond, c'est vraiment juste par facilité de... Dans le fond, les gens aimaient pas tellement le mot salope, dans le fond. C'est ça qu'on veut dire. C'est un petit peu de l'autocensure. Hein. Je crois que les Québécois sont sensibles un brin. Un petit peu, hein, ouais. Enfin bon, on lui laissera écouter le banquier à place. je blague. non, mais quand même. Votre CD, vous avez un CD qui s'en vient. Ce qui est sorti, nous, on aurait seulement le single jusqu'à maintenant. On le fait tourner, c'est les putes de Paris qui jouent sur nos ondes. C'est encore très, très haut dans nos palmarès. Il est sorti. Je vais m'arranger pour que vous l'ayez. Ça le fun, on aimerait ça. Qu'est-ce que c'est vos influences? À quoi vous ressemblez si vous voulez vous comparer à quelque chose, disons? Pas mal dans la veine, un peu NoFX. Je te dirais, ça bûche moins que NoFX. Hey, c'est une bonne question, ça. Ben c'est bien de savoir que ça bûche moins que NoFX, des fois. C'est une bonne comparaison. Non, mais sans blague, les putes de Paris, ça parle de quoi? Cette pièce-là. Une pièce que les gens particulièrement adorent en ce moment, c'est vraiment une tune qui joue assez souvent, assez fou. Qu'est-ce que c'est, les putes de Paris? Ça représente quoi? Les putes de Paris, c'est une parodie un peu de la musique française, là, Georges Brassens, puis tout ça. Puis on trouve ça drôle de chanter Il pleut des putes sur Paris sur une musique typiquement française avec de l'accordéon puis tout ça. Tu sais, y a pas de message vraiment là-dedans. C'est juste une grosse blague, là, cette chanson-là. Ça fait bien rire, en tout cas, les auditeurs de C'est Fou. Parfait. Qui vont l'entendre dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des spectacles qui s'en viennent dans le coin de Trois-Rivières ou ailleurs que vous voulez plugger un petit peu? À Trois-Rivières, non, pour l'instant, on n'en a pas. Mais on va venir aussitôt que possible et on va s'arranger pour que vous soyez au courant. On aimerait ça. Si les gens veulent plus d'informations sur les Dorothées, ils vont où? Sur le MySpace des Dorothées. Mm-hmm. Il n'y a pas de site web encore, mais donc c'est le myspace.com/lesdorothées. Exact. Pas de S. Pas de S, c'est bien important. Exact. Merci beaucoup, Mathieu, des Dorothées. Ça me fait plaisir, merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. On a parlé avec Mathieu de la formation Les Dorothées. Je répète l'adresse du site internet, c'est le www.myspace.com/lesdorothées. On l'apprécie. Pas de S. Pas de S, absolument. On s'en va compléter notre bloc de sixième position. Du côté anglophone, on était rendu à... The Answer. Avec Into the Gutter. Absolument. Yes, absolutely. Et absolutely. Et les gens qui nous écoutent le vendredi soir en direct, restez là parce que juste après la pièce, on vous donne des CD de The Answer. Ouh. Ouh, on est généreux, hein? On n'est pas des salopes. Non. Pas tellement. Sauf si tu dis non. Ah, non, ça bien. Va se parler pendant la chanson, c'est ça. Feel my touch. home and I can't be moved. C'était du côté francophone. Oui, on avait Major Bidet avec les mouches. Vrai, vrai, vrai. On est rendu au cinquième position. Est-ce que tu doutais de ma crédibilité? Pas très crédible, par exemple. Moi, je vais prendre sa défense. Okay. Je la trouve très crédible. C'est vrai qu'elle est très crédible. Yes. Ah, t'as raison maintenant. J'aime l'arté féminine. J'aime beaucoup ta nouvelle collaboratrice. C'est bien, hein? Mais c'est parce qu'elle m'a dit que t'étais crédible, puis elle est crédible en disant que t'es crédible. Ben, c'est comme c'est crédible parce que c'est elle qui l'a dit, ça. Donc, on est crédible? On est crédible. On est crédible. Si j'ai bien compris, là, on est crédible. C'est beau. Absolument. On est rendu à nos cinquièmes positions. Les choses vont très, très bien. Après avoir eu une belle petite entrevue avec les Dorothées, ben, c'est l'heure de faire ce qu'on avait dit tantôt. Un concours. Parce que vous savez, assez fou, on passe de la bonne musique. Un, on est super drôle. Deux. On a des gens vraiment très, très attrayants et tu sais, et tout. Ah, ça, c'est trois. Ça. On peut le mettre sur des panneaux publicitaires, ce serait hot. Mais Zach, ce serait hot. Numéro 4, on fait des concours. Uh-huh. Et cette fois-ci, c'est deux albums de The Answer. Leur album s'appelle Rise et on a ces deux copies à vous donner si vous nous appelez au numéro de téléphone suivant, Cynthia. Oui, au 376-5183. Oui, c'est bien là. Dans 3, le 819. 819-376-5183. Si vous nous appelez en disant... Oh, le téléphone sonne déjà. Il fallait attendre mon signal. OK. Restez en ligne, ceux qui viennent de m'appeler. OK? Restez là. Je viens vous répondre dans quelques secondes alors qu'on s'en va entendre du côté anglophone. The Details avec Reunion Souvenirs précédé de... Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. Restez en ligne, là, je réponds. Là, j'arrive. Auditeurs du vendredi soir, il nous reste une place encore. Appelez-nous. 819-376-5183. Bye-bye. Travaux ménagers, il faudra me nettoyer, il faudra retour, la musique de The Details, des Dorothées et Hot Springs au Palmarès C'est fou au 89.1. FM. Et oui. Ça marche. Ok, c'est bon. Juste avant, c'était? C'était Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. Hey, c'est magique, ça. Oui, et puis Alexandre a descendu dans le palmarès, pauvre petit, de 3 positions. C'est pas grave, il va se reprendre, ça. Bah oui, on l'aime pareil. Ouais. Donc, on est rendu à nos 4e position. Du côté anglophone, c'est The Hot Springs avec Head Rush. Mais avant? Les Dorothées qu'on vient d'avoir en entrevue avec les putes de Paris. Mais tu sais quoi, je trouve qu'on y va beaucoup trop vite, mais on n'arrête pas de. On fait juste passer des pièces, Dieu c'est à quoi, repasser des pièces, Dieu c'est à quoi. Ça devient plate un peu. En effet. Placoton de mathématiques. Hein? En regardant le palmarès des 10 les plus vendus cette semaine au Canada. Au Canada. Pour la semaine qui se termine le 18 octobre 2007, ça vous intéresse? Non, ok. Pas grave. Quelques nouvelles entrées, tiens, la 25e position. Oh, on l'aime, elle. C'est fou, là, on la passe tout le temps. Laurence Jalbert. Avec Tout porte à croire. En 13e position, une autre habituée de C'est fou, là, tous les jours, là. Jennifer Lopez. Ben oui, pourquoi pas. Brave. Ensuite, la 7e position, c'est Kid Rock avec Rock'n'Roll Jesus. La 3e position, c'est stable pour James Blunt avec All the Lost Souls. La 2e, c'est l'ancien numéro 1, Bruce Springsteen avec Magic. Et en première position, toutes les filles l'aiment. Tous les auditeurs de C'est fou se disent, c'est qui ça? C'est Josh Groban avec Noël. C'est qui ça? Moi, je l'aime bien, gros. Ben, je le sais bien. C'est pas rien que de lui. Je sais. C'est secret. Cynthia, il n'y a pas d'Evanescence dans le top, fait qu'on. Non, c'est ça. Moi, si l'Evanescence n'est pas là, moi, je n'existe pas. Go! On la retrouvera un autre jour, Cynthia. Yay! Quand on aura du Evanescence. Et voilà. Voici les putes de Paris, les Dorothées. On parlera, c'est fou! dans la vie quand on est seul comme moi. Parfois on a besoin de compagnie. Et les nanas chouettes sont à Paris. C'est pas vrai ça, maman? Oh oui, c'est vrai, Jaco. Je me souviens, en 1947, j'avais 20 ans, j'étais un jeune gaillard. Sur le Luxembourg aussi, il pleut des putes. Sur la banquette arrière du Thierry Ardisson, il pleut des putes. Sur le cercueil de Joe Dassin, mais la prostituée me dit: je prends pas les francs. Et moi je lui réponds: tu les prenais avant. Et le proxénète me dit: ça a changé maintenant. Jacques Villeray, il pleut des putes, même sur les cendres de Molière. comment dire, une fille, tu sais, sérieuse et fiable. Ben oui. Ouais. Pourquoi pas? On pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc? Sophistiqué, on pourrait. Wow, continuez, écoutez. Moi, j'ai aucun problème avec ça. OK. On va parler de crédibilité aussi. C'est ça. Écoute, je suis crédible. Écoute, je suis une surprise. On est content de me voir. Écoute, aujourd'hui, je vais sortir d'ici. Je vais avoir tant de confiance en moi. Je vais si exploser. Ça, c'est si ta tête passe. Si j'ai réussi à sortir, effectivement. Si ta tête passe dans la porte. Effectivement. Donc, on vient d'entendre la pièce Les Guêpes de la formation de Hot Springs en remplacement de la pièce Head Rush, qu'on a juste pas avec nous, on s'en excuse, on l'a remplacée au moins pour compenser. Donc, la pièce Head Rush est en remontée de deux places quand même, ça vient de leur album Volcano. Et Dorothée aussi qui a remonté de deux places avec Les Putes de Paris en quatrième position. Tout à fait, c'est deux belles positions, ça. Oui, c'est sûr. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit, en effet. Troisième position anglophone, c'est Steve Hill, qui, lui, est complètement nasamade en troisième position. Donc, ça remonte de deux places. L'album, c'est Devil at My Heels. Mais juste avant, on s'en va se divertir un peu en achetant des trucs. Ça vous tente, ça? On y va. Restez donc là. Hein? C'est très subtil comme transition vers une pub. Oh! Pub! Oh, qu'on est-tu donc de retour au palmarès C'est fou? Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, Virginie Cossette. Cynthia Paquette. Bon retour à vous à la maison, comme ça. On fait des cascades en studio, j'aime ça. Juste avant la pause, on a entendu la position numéro 4 anglophone. C'était Hot Springs avec Head Rush. On était rendu à la troisième position, juste pour vous tenir au courant de notre processus qu'on appelle les palmarès C'est fou. On se rend jusqu'à la première position dans un ordre inverse. Certains diraient. Décroissant. C'est comme t'as le X, t'as le Y, t'as la ligne, t'as les flèches. Pas toujours par les flèches, non, c'est par les points. Puis, c'est comme des graphiques, calculatrices. Pareil, on vous rassure, tout le monde, on va lui donner ses médicaments avant de passer à la position numéro 2, mais juste avant. C'est de la caféine, de la caféine. OK, la caféine. OK, bon, on va aller lui priver de sa caféine. Écoutez pas. Et puis, on va passer tout de suite à la position. La gueule. À la position cynthiologiste, j'aimerais oh, ça. Oh, OK. On n'est pas mieux pour crier par le salatone, par exemple. Ah, ben l'espace. Y'a tout cela qui me déshabille. Les gens qui pensent, je ne pense pas. Les mots méchants, j'ai beaucoup de cas. Y'en a tellement dans une fille. Oh ouais, baby love, my love. Tu vois que tout est noir autour de toi. Non mais qu'est-ce qu'il dit, connard? Ça n'a aucun rapport dans la tour là. If you forget anything, I'll kill you. In fact, you're gonna have to work very hard. Non mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? On comprend rien. Oh non. Oh non. Nick, reste avec moi. Ça donne des frissons sous la peau. Au fond comme des rodéos. Mais c'est moi qu'on prend au lasso. Ah, rappel. Ah, baby love, my love. Tu me fais toujours rêver. Baby love, my love. Tu me fais toujours bander. Tu n'as jamais vraiment quitté. Tu me fais toujours bander. J'avais besoin d'entendre ta voix. Le jour se lève de Wahoo. Adieu, cowboy, je t'aime encore. Bon, c'est fini la crise de tourne, t'as pas de faire un tour. C'est fini, c'est moi. avec Nazem Maid en troisième position anglophone. J'aime le dire comme ça, ça fait radio. Plus deux pour lui. Juste avant, c'était DJ Matan Frac avec Lettre à un Cowboy. Oh, je te croyais pas comme ça, toi, écrire des lettres à un cowboy. Ça, c'est une remontée de deux aussi. Des deux côtés, remontée de deux places. Les deux pièces se suivent, une à côté de l'autre. On est rendu à nos positions numéro 2 ici dans les palmarès. C'est fou. Vous écoutez l'émission qui découvre avec vous la musique de demain aujourd'hui. Il y a redécouvre pour ceux qui l'ont déjà entendu. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On parle beaucoup. On aime bien parler. Ah ouais, nous autres, on a des piles en ongles. Ben oui, écoute, on n'arrête plus. On n'arrête jamais de parler. Ben c'est qui n'arrête pas de parler aussi? Qui? Quelqu'un qui est cher à nos yeux. On l'aime. On parle de We Are Wolves. Non. On parlera du Zone Campus tantôt, mais pour l'instant, voici We Are Wolves avec Magic. Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. FM, c'est ça. Ça t'attendait. Suivi d'Interpol avec No Iron Threesome. Je passe une main dans mes cheveux. Attends, c'est quoi ça? Je pense que c'est plus ça. Ah! Ah! Ah! C'est ça. Mais voyons donc, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait là? On a l'air fou. C'est ça qu'on fait. On a l'air fou. Mais c'est pas grave parce qu'on s'en sort. Parce qu'on est assez fou. Oh, t'es drôle. J'avais pas vu venir pendant toute celle-là. Sais-tu qu'est-ce que je pense que quelqu'un a fait? Quelqu'un a mis le mauvais CD dans la mauvaise pochette. C'est super drôle. Passe-moi le prochain parce qu'on va quand même se sortir de ce terrain-là. On aime ça de même. Nous autres, on improvise à l'improviste. Et puis tout ça sera coupé au montage plus tard. On aime ça de même. Tu peux parler dans le micro quand tu me parles aussi. Juste ça de même. Juste de même. T'sais? Puis là, il faut que je check. C'est super long. Puis là, on qu'est-ce est là, qu'on va entendre, on passe Mathieu? Plein de temps, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là? No Wine Threesome de Interpol tout de suite. Et voilà. On parle reste. C'est fou. 89.1 FM, la radio qui fait jamais d'erreur. Jamais. We'll be right back. C'était magique, ça, magique. We Are Wolves, en deuxième position francophone, remontée de deux places. Juste avant, on a entendu No I and Threesome d'Interpol, qui était en première position la semaine passée. Ouh, on a donc, numéro un. Ouais. C'est comme toujours notre grand plaisir à Cynthia Paget-Grenier, Virginie Cossette, Mathieu Plante, c'est moi, d'accueillir la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui se nomme Elisabeth Marino. Bon, tu me disais que t'as pris le 5, tu prends le 4, t'es drôle, toi. Je sais pas, moi, c'est quoi le micro, hein? C'est pas grave. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. De quoi parle le Zone Campus cette semaine? Ben, cette semaine, tu vois, pour l'édition qui couvre le 15 au 28 octobre, donc en cover, nous avons le début de la saison régulière de hockey avec les Patriotes. Donc, mercredi passé, se déroulait une game contre leur conquérante toujours, les Redmen de l'Université de McGill. Et ils ont gagné! Mais là, on ne savait pas au moment de l'imprimer, mais ils ont gagné, c'est ça. Donc, histoire. Ils ont reconquéri, comme ils ça dit. Ils ont reconquéri, voilà. Reconquiquiri. Reconquiquiri, et voilà. Comme dirait le Cynthia Logis. Oui. Reconquiquiri, né. Oh! Ah, j'adore ça, OK, section actualité, là, on n'a pas toute la journée. Donc, c'est ça. Bon, retour rapidos sur les élections du nouvel exécutif de la JEQTR, le président qui dévoile les grandes lignes, l'interne qui veut un dialogue avec les étudiants. On revient d'accord sur les nouveaux locaux des associations étudiantes. Les opinions sont partagées. Je sais pas pourquoi. Ils sont partagés entre on n'aime pas ça et on déteste ça. Voilà, c'est un gros choix, donc sont partagés. C'est dur. Donc en gros, c'est un texte sur on n'aime pas ça parce que c'est mytho, que c'est un bug. Et qu'il y a des chauves-souris. Il y a des chauves. Eh oui. Suivant. D'accord. Donc, une belle bouffée d'air frais de Guillaume Chalette-Janson sur « Je chie sur le stationnement ». Hé, t'es vulgaire, Isabelle. voilà, dans sa chronique, donc, il s'est gosé quelque peu sur le sort de toutes les voitures sur le campus. La grosse pile de voitures. La pile de voitures. Ton historial, c'est un nouveau mot, là. C'est comme un élisabéthiologisme, on pourrait dire. Ah oui, génial, oui, les... On va essayer de prononcer. Web exhibitionniste. C'est ça. Donc, tout phénomène Facebook est du fait que ça touche maintenant l'UQTR et qu'il y a des gens qui se mettent là-dessus, qui mettent toute leur vie et qui ne bloquent pas leur profil. Je n'ai rien contre ces gens. Mais tu pas sur Facebook, Elisabeth? Je suis... Hey! Oui, mais c'est dans le sens avec que... Avec son vrai nom, en plus. Mais c'est dans le sens que il y a des gens qui mettent tout là-dessus et qui mettre tout et qui ouvre ça à tout le monde, c'est ça? C'est plus dans le sens que c'est dangereux. Ça touche à tout le monde et ça se touche tout le monde. Continue ensuite. Oh, c'est terrible. Box Pop, quels sont vos projets pour la semaine de relâche? Vous êtes vraiment terrible. Moi, je sais. On aime ça de même. Donc, réponses diverses pour étudiants divers. Ensuite de ça, une nouvelle chaire de recherche à l'UQTR en neuropharmacologie. Un bel acquis encore pour l'université. Mm-hmm. Ça fait le tour pour actualité. Est-ce qu'on a le temps de... On continue en masse. Ben oui. Alors, en art et spectacle, Cindy Bédard nous a concocté un beau petit melting pot de C'est fou FM 10 ans déjà. Donc, les groupes qui ont, si vous voulez, chapeauté les célébrations du 10e. Ils ont mangé de la pizza et du gâteau avec nous. Ouais. Ouais. Tout en jouant de la musique. Tout en jouant de la musique. Et voilà. Donc, aussi, mon petit... une petite chronique sur une pièce de théâtre, La promesse de l'ombre. De l'aube, de Romain Gary. Le calendrier des spectacles, comme toujours. Le calendrier des spectacles, la programmation, c'est fou, est là. Oui, suggestions musicales. Des CD à écouter. Paul Carniello en spectacle à Chasse-Galerie. Mm-hmm. Et oui, voilà pour la section des arts. Et en sport. En sport! Golf, un revers controversé. Ouh! Beaucoup d'articles sur le hockey, mais là, comme vous savez, c'est plus ou moins d'actualité, mais ils ont gagné. Mais on en parlera dans le prochain numéro. On en parlera probablement dans le prochain numéro. Et chronique histoire de patriotes, deux bons exemples de God Soccer qui sont rendus avec l'attaque maintenant, donc génial. Et ça fait pas mal le tour, je vous dirais. C'est dans le prochain numéro du Zone Campus qui est en kiosque depuis lundi le 15. C'est bien la date, le 15? Oui, le 15. L'actuel numéro, c'est ça. Le prochain numéro sort lundi prochain. Voilà. Le 22 octobre. Merci beaucoup. Merci. Le 22 octobre? C'est pas le 22 octobre, 29. Je crois que c'est le 29. Je crois que c'est le 29 octobre. Non, on compte en montage le 22. Ah. Et maintenant, on arrête. Et on continue avec le numéro 1 francophone. Voici Tricot Machine et Beau Temps, Mauvais Temps, suivi de Galactic et What You Need. Oui, je les ai nommés. Oui, je vole le punch. On fait ses dents, on rentre en courant, se plante sur le ciment. Cherche le sens de la vie, laisse tomber. Enlève tes petits trous dans si assez. À part une coupe d'année sur la dérape, on se cale de trois cafés puis on se rattrape. Si tu cherches la bougie d'allumage, viens mettre ton petit doigt dans l'engrenage. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, bon temps, mauvais temps. On se voit, on rêve, on jase, on se fait la cour. On s'aime, on doute, on casse, on se traîne en cours. La bourse peint la vie, je peigne les nerfs. Je vous ai dit de garder les mains en l'air. Les pieds dans mes pantoufles, j'ai perdu le rythme. Faites ma moumoute, ça tourne trop vite. Un bon pis bon empuré, on creuse un petit trou, j'suis expiré. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, beau temps, mauvais temps. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour. Aux machines, les beaux temps, mauvais temps au palmarès. C'est fou, c'est le grand gagnant de nos palmarès cette semaine. Qui reste stable. Ça reste absolument stable. Deux semaines de suite pour Tricot Machine, ça va très bien. C'est très, très bon pour eux. Avant de passer notre numéro 1 anglophone, c'est l'heure de notre concours pour les auditeurs du vendredi soir. Là, ils l'attendent depuis le début de l'émission. On a promis qu'on aurait des billets pour le Centre Bell, un match entre Boston versus les Canadiens. C'est le lundi 22 octobre, pardon, à 19h30. Les billets valent quand même pas mal. C'est dans la zone Molson. Chaque but des Canadiens vous donne une bière gratuite. Hein? Mm. Le numéro de téléphone, on vous le rappelle, mais n'appelez pas maintenant. Il faut attendre le signal. Le numéro est le suivant. Il est le 376-51-83 dans le 819. Donc, c'est pour le match du 22 octobre à 19h30 au Centre Bell. Appelez-nous à notre signal qui est maintenant. Position numéro 1 des palmarès, c'est fou, wow, que c'est excitant d'avoir de la bonne musique comme ça au numéro 1 du côté anglophone, c'était... What You Need de Galactic. Oui, ça remonte de 3 places, le numéro 1 francophone, c'était... Tricot Machine avec Beau Temps, Mauvais Temps. On pourrait aussi en profiter pour résumer nos positions numéro 5. Tiens, Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. En quatrième, c'est les Dorothée avec les Putes de Paris. En troisième, DJ Matan de Frac avec Lettre en Cowboy. En deuxième, c'est We Are Wolves avec Magic du côté anglophone. Du côté anglophone, on avait en cinquième The Details avec Reunion Souvenirs. En quatrième, Hot Springs avec Ed Rush. En troisième, notre roi de la montagne, Steve Hill avec Neza Maid. En deuxième, Interpol avec No Iron Threesome. Voilà, nous, on doit se quitter rapidement à partir de 19h. C'est évident, Adon, la question. Ensuite, Virginie et moi, on est de retour pour Écoutons Adon, la chanson à partir de 19h30. Cynthia, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Virginie, merci. Ça me fait plaisir aussi. Je suis Mathieu Planche, je suis en train de vous dire, faites attention à vos genoux. Bonne soirée. Et bonne chance. Au revoir. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.